إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est dans le cours 144 dans l'explication du Kitab al-Tawhid et on est toujours au chapitre 62. Et le chapitre 62 c'est qu'est-ce qui est rapporté au sujet des serments. Ma ja'a fi kathrat al-half, c'est-à-dire les gens qui font beaucoup de serments puis ils jurent beaucoup. Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? On a mentionné justement qu'est-ce qui a été rapporté dans le hadith qui est rapporté selon Imran ibn Hussein, et qui dit que il y allait avoir après les trois premiers siècles des gens qui allaient faire des témoignages alors qu'ils ne sont pas demandés de le faire. Donc ils vont faire des témoignages alors qu'ils ne sont pas demandés de le faire. Puis on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Ça veut dire des gens qui se précipitent, qui se dépêchent à faire des témoignages alors que ils n'ont pas de connaissance de ce de quoi ils témoignent, et donc ils prennent le témoignage à la légère. Puis il avait dit qu'on allait mentionner ou citer des paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen à ce sujet-là pour expliquer un petit peu les détails, parce qu'il y a d'autres hadiths qui ont d'autres significations qui pourraient sembler contradictoires avec ce hadith-là, et donc je voulais juste clarifier ce point-là, parce que certaines personnes pourraient utiliser ça dans le sens que pour comme cacher un témoignage alors qu'ils ont la connaissance de quelque chose, puis ils n'oseront pas le dire. Donc le Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, dans l'édition de Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid, dans le volume 3, à la page 231, le Cheikh il dit وَقَوْلُهُ يَشْهَدُونَ أَيْ يُخْبِرُونَ عَنْ مَا عَمِلُوهُ عَلِمُوهُ مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد والصحيح على الصحيح. وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن العشرة في الجنة إن العشرة في الجنة ولا أشهد. قال له قد شهد. فقال إن قاله فقد شهد. Donc ici le cheikh il dit قوله يشهدون, c'est-à-dire il témoigne dans ce hadith là, il dit يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ça veut dire ils informent les gens de ce qu'ils ont été témoins, c'est-à-dire de ce qu'ils ont entendu ou de ce qu'ils ont touché ou de ce qu'ils ont su ou de ce qu'ils ont senti, etc. Parce que le témoignage, c'est d'informer quelqu'un à propos de ce que tu sais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans Surat al-Zukhruf, le verset 86 qu'on a récité ou qu'on a mentionné au dernier cours, « Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun » excepté ceux qui témoignent de la vérité en pleine connaissance de cause. Et c'est pas nécessaire pour que quelqu'un fasse un témoignage qu'il dise par exemple je témoigne, parce que on a demandé à l'imam Ahmad, une personne a dit ces dix personnes, les dix sont dans le paradis et je ne témoigne pas. L'imam Ahmad a répondu s'il a dit ça, alors c'est comme s'il a témoigné. Même s'il n'a pas dit, par exemple, je témoigne pas. Même s'il a dit, je témoigne pas, ça compte comme un témoignage. Hein. Donc, c'est pas une condition, par exemple, pour que quelqu'un fasse un témoignage, que ce soit dit dans, avec cette formule que tu dis, par exemple, j'atteste ou je confirme ou je témoigne. Même si tu le dis pas avec, ce, avec cette forme-là, ça compte comme un témoignage quand même. وقوله ولا يشهدون ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم الشهادة واختلف العلماء في ذلك فقيل لا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة فيكون المراد لا يشهدون بغير علم donc لا يستشهدون ça veut dire si on le traduit littéralement ça veut dire ils témoignent alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner, on ne leur a pas demandé leur témoignage. Les savants ont divergé au sujet de la signification de ce hadith-là. Il y en a qui ont dit « la yustashhadun », c'est-à-dire on ne leur demande pas de prendre la responsabilité de témoigner. Alors ça veut dire dans ce sens-là qu'ils témoigneraient sans connaissance. Hein, ceux qui témoignent sans connaissance, on ne leur demande pas à eux de témoigner puisqu'ils n'ont pas de connaissance. وقيل لا يطلب منهم أداء الشهادة فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها dans une autre signification ou dans une autre interprétation ou explication les savants ont dit comme deuxième signification que ça veut dire qu'on ne leur demande pas de faire le témoignage. Donc, dans ce cas-là, yani, ça voudrait dire qu'ils témoignent avant qu'on leur ait demandé de le donner le témoignage, et donc, c'est-à-dire qu'ils se précipitent et ils se dépêchent à faire un témoignage, ça veut dire qu'ils ne prennent pas attention, ils ne donnent pas d'importance à ce témoignage-là. Donc, il y a deux significations comme on peut voir. C'est ceux qui ont dit qu'ils témoignent sans connaissance, et l'autre qui dit qu'ils témoignent sans faire attention et sans avoir de sans prendre de précautions, c'est-à-dire ils témoignent yani, avec un petit peu de négligence, d'accord? Et le cheikh dit: ولكن هذا القول يشكل على حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها قبل أن يسألها فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل قوله ألا أخبركم بخبر ألا أخبركم بخير الشهداء أنه وظاهره أنه معارض لحديث عمران فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق بحق لا يعلمه المشهود له وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد أن يشهد بشيء من حقوق الله يرحمك الله لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها Donc, le cheikh il dit, mais on dirait qu'il y a un certain problème entre ce problème, il y a un certain problème entre ce hadith et le hadith de Zayd ibn Khalid qui est rapporté par l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe de qui est le meilleur des témoins? C'est celui qui donne son témoignage avant qu'on lui demande. Donc, c'est comme s'il y a une incitation ou une invitation à donner un témoignage avant qu'on soit demandé de donner ce témoignage-là. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim dans le livre Al-Aqdiya, c'est-à-dire les jugements, et c'est dans le chapitre Le meilleur des témoins. Donc, ça, c'est à ce sujet-là. Donc, on voit qu'il y a une apparente contradiction entre les deux. Toutefois, comme le cheikh il dit que la preuve dans ce hadith là c'est voulez-vous que je vous informe du meilleur des témoins. Donc le sens apparent c'est que ce serait en opposition avec le hadith de Imran. Sauf qu'il y a des savants qui ont expliqué les deux hadiths d'une manière à les réunir ensemble, pour que les deux hadiths soient compréhensibles et qu'on clarifie l'apparente opposition et contradiction qui existe en, qui semble être en apparence entre les deux. Et il y en a d'autres qui ont dit donc que la signification du hadith de Zayd ibn Khalid, c'est que c'est quelqu'un qui témoigne de quelque chose de vrai à, au sujet de quelqu'un, alors que cette personne-là, il n'est pas au courant que cette personne-là témoigne à son sujet. Vous comprenez? Comme si par exemple, moi je vais témoigner de quelque chose à ton sujet, mais toi t'es pas au courant. Donc je vais dire à ton sujet quelque chose, puis toi t'es pas au courant de ce que je témoigne, et c'est la vérité. Donc ça c'est une des explications par rapport à ce sujet-là. Que tu témoignes avant qu'on te demande de te témoigner à propos, avec d'une façon véridique au sujet de quelque chose, puis sans que tu aies informé la personne que tu vas témoigner à son sujet, ou pour, en sa faveur en fait, c'est ça le point, parce que tashhadu lahu, ça dit tu témoignes en sa faveur, mais tashhad alayhi, ça dit tu témoignes contre lui. Donc il faut voir la différence entre ashhadatu lahu wa ashhadatu alayhi. Lahu, ça veut dire tu témoignes en sa faveur, alayhi, tu témoignes contre lui. Ça c'est la différence entre les deux. Le cheikh il dit ensuite, فَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْدٍ مَنْ يَشْهَدُ بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا مَطَالِبٌ فَيُؤَدِّي الشَّهَادَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلَهَا. Donc ça veut dire qu'il y en a des savants qui ont expliqué aussi que ce témoignage-là qui est mentionné dans le hadith de Zayd, c'est quand quelqu'un témoigne au sujet de quelque chose qui a rapport avec les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un témoigne au sujet des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, il n'a pas à être demandé de le faire. Il doit témoigner de ce qui fait partie des droits d'Allah, sans qu'on lui demande. D'accord? Parce que ça a rapport avec la religion. Ça a rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand quelqu'un, par exemple, il explique aux gens ou il dit quelque chose à propos de la religion de l'islam, c'est un témoignage qu'il fait en même temps. Et donc il doit le faire et il doit clarifier la vérité, même si on ne lui a pas demandé de le faire. Jama'a ba'dahum bi anna al-murad bi hadith Zayd ibn Khalid annahu kinaya 'an as-sur'ati bi ada'i ash-shahada. فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. Il y en a des savants qui ont expliqué que le hadith de Zayd, qu'est-ce qu'il signifie? C'est que c'est quelqu'un qui fait son, qui donne rapidement son témoignage. Hein? Tellement, il le donne tellement rapidement qu'il le donne avant qu'on lui demande. وقال بعض العلماء رجح حديث بعض العلماء رجح حديث عمران لأنه في الصحيحين على حديث زيد بن خالد لأنه في مسلم، ولكن إذا أمكن الجمع فلا يجوز الترجيح، والجمع هنا ممكن كما تقدم. وقوله donc le cheikh dit ici que certains ulama ont dit que ils préféraient prendre le hadith de Imran parce qu'il est dans Al-Bukhari Muslim, tandis que le hadith de Zayd ibn Khalid, il est uniquement dans Sahih Muslim. Sauf que le cheikh, il dit que ça, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que il est possible de réunir les deux hadiths. Donc lorsque c'est possible de réunir entre deux hadiths, on n'a pas le droit de faire de tarjih. Hein? On n'a pas le droit de faire de tarjih. Et on a déjà donné des exemples comment des savants ont réuni les deux significations de ces deux hadiths-là. Donc ça c'est à propos de ce point-là que je voulais juste clarifier ça, cet aspect-là, pour que ce soit plus clair pour les frères. Maintenant, on continue avec l'explication dans Kitab Tawhid, avec le charh de Cheikh Al-Fawzan. Donc, on part à partir de l'endroit où on avait laissé la dernière fois, justement, la suite du hadith. à propos des caractéristiques de ceux qui vont venir après les trois premiers siècles de la Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par la suite, c'est-à-dire que ils trahissent et ils ne respectent pas leur parole et leur engagement. Le cheikh il dit, يخونون أماناتهم وعهدهم إذا اؤتمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان فالخيانة في الأمانة سواء كانت هذه الأمانة مالا أو سرا من الأسرار أو عملا من الأعمال كموظف وكل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه أو مقاول تعهد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وغش فيه هذا من الخيانة فالخيانة قد تكون في الأموال وقد تكون في الأسرار التي يؤتمن عليها إما من الأفراد وإما من ولاة الأمور. Le chef il dit que le fait de yani, dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم donc il dit et ils ne trahissent pas et ils ويخونون ولا يؤتمنون. Ils trahissent et ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas des gens fiables. C'est-à-dire qu'ils trahissent leurs engagements et leurs ententes. Lorsqu'ils ont fait une entente dans une chose quelconque, ils ne respectent pas, ils ne gardent pas leurs engagements. Et le fait de trahir notre engagement et notre entente, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites, des munafiqines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que les signes de l'hypocrite sont de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet quelque chose, il manque à sa promesse. Et lorsqu'il est chargé d'un dépôt ou de quelque chose, ou qu'il prend une entente, il trahit sa parole. Donc la trahison dans les ententes, peu importe que ce soit dans les questions de fiabilité par rapport à l'argent, ou des secrets que quelqu'un te confie, ou d'un travail, ou un travail que quelqu'un te demande de faire et que tu t'engages à le faire, comme par exemple un employé qui travaille dans un poste, ou bien quelqu'un de ce genre, un clerk, comme un muwazzaf, c'est comme un fonctionnaire, quelque chose comme ça, hein, un employé. On lui donne une responsabilité, on lui demande de faire quelque chose, puis il manque à sa parole. Il trahit sa parole. Ou bien quelqu'un qui dit par exemple, je promets que je vais faire telle chose, puis qu'il dit qu'il va le faire, puis il ne le fait pas. Ou bien il promet qu'il va travailler sur un projet, puis il ne le fait pas. Donc il a trahi son engagement, et puis il a triché. Donc il a triché. Et ça fait partie de al-khiyana, c'est-à-dire la trahison. Donc la trahison, c'est pas juste la trahison, par exemple, dans quelqu'un qui trahit son par exemple un pays, ou bien qui trahit dans l'armée ou des trucs comme ça. La trahison, ça peut même être dans des petites choses aussi, quand on donne notre parole à quelqu'un puis qu'on le fait pas, hein. Ou bien comme par exemple quand on trahit, quand dans le sens comme par exemple quelqu'un qui vient chez les koufars habiter ou rester dans leur pays, ou faire quelque chose dans leur pays, puis que il trahit son entente qu'il a avec eux, puis il respecte pas les ententes qu'il a pris de respecter leur sécurité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples. Donc la trahison, c'est quelque chose qui peut se produire dans l'argent, dans les secrets, ou dans toute chose que quelqu'un te confie, et également ça peut se produire des individus, comme ça peut se produire également des responsables et des dirigeants, des gouverneurs. الشيخ يقول وكذلك تكون الأمانة أيضا في الأعمال والعهد التي يتعهد بها فيجب عليه أن يفي بما التزم به وما عهد عليه القيام به سواء كان عملا وظيفيا أو كان عملا مهنيا أمينا فيما تمن عليه فإن خان فإن الله سبحانه وتعالى توعد الخائنين فقال تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إلى غير ذلك من الآيات التي تعظم من شأن الأمانة وتأمر بحفظها وأدائها كما تحملها الإنسان. Donc le cheikh il dit que également le fait de respecter notre entente et notre parole et notre engagement, c'est dans toute action et tout engagement qu'on ait pu prendre. Et donc c'est obligatoire de respecter cet engagement-là et de l'entreprendre et de le respecter. Peu importe que ce soit un travail, comme un travail dans un bureau ou dans n'importe quel autre genre de travail, comme une tâche à respecter, comme un travail à faire, comme par exemple si quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un est dans la construction ou il est peintre ou il est n'importe quoi d'autre, et on lui a demandé de faire un projet ou de faire un travail, puis il a donné sa parole qu'il allait le faire, et bien il doit respecter sa parole. Ok? Et il doit être fiable et honnête dans ça. Et s'il trahit, alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné une menace sévère à toute personne qui fait un acte de trahison. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah ne guide pas les ruses des traîtres. Et il dit également, ça c'est dans Surat Yusuf, le verset 52, et dans le verset 27, dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un autre verset ici dans cette sourate, la sourate Al-Anfal, où Allah subhanahu wa ta'ala menace les gens qui font des trahisons. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. D'accord? Et il y a une note en bas qui dit la confiance, c'est le dépôt, à la amanat. Le dépôt, c'est ce qu'on a confié à quelqu'un. Si Allah subhanahu wa ta'ala et son messager vous confient quoi que ce soit dans votre propre intérêt, en les trahissant et en leur désobéissant, vous ne faites que nuire à nous-mêmes. Donc, c'est ça. Donc, vous ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous, en désobéissant à Allah et en son messager. Donc, ça c'est un exemple. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. L'autre verset, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Donc Allah vous ordonne de remettre les dépôts à ceux à qui ils appartiennent. Ça c'est le verset 58 dans sourate An-Nisa 27. Et le surat An-Nisa, c'est le verset 58. Après, Allah il dit de remettre, Allah vous ordonne de remettre les gages ou les dépôts à ceux à qui ils appartiennent. Donc, si quelqu'un t'a confié quelque chose ou t'a prêté quelque chose ou tu as quelque chose de quelqu'un ou t'as demandé de faire quelque chose, tu dois le remplir et tu dois le remettre à celui à qui ça appartient. Et Allah il dit dans le verset 8, dans Surat Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui respectent leurs dépôts, leurs gages et leurs engagements. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تُعَظِّمُ مِنْ شَأْنِ الْأَمَانَةِ وَتَأْمُرُ بِحِفْظِهَا وَأَدَائِهَا كَمَا تَحَمَّلَهَا الْإِنسَانُ. Donc également, il y a beaucoup d'autres versets comme ça qui montrent l'importance et le respect qu'on doit avoir envers tout ce qui a rapport avec les gages et les dépôts, et de les préserver, et de chefziha wa adaiha. Donc on doit les remettre comme on nous les a donnés. Hein, quelqu'un te prête quelque chose ou te donne quelque chose et te demande de le garder pour lui, et bien quand tu lui remets, tu dois lui remettre dans le même état que la personne te l'a donné. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit « فأمر الأمانة أمر عظيم وصدر هذه الأمة كانوا أمناء ولكن يجيء بعدهم قوم يخونون في أماناتهم وهذا من علامات الساعة وإذا اتخذت الأمانة مغنما يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها أو أن يخون فيها ولا يعتبر الأمانة حملا تحمله عهدة تعهدها بل يعتبرها غنيمة سيقت إليه ليتصرف فيها حسب هواه ورغبته فأمر الأمانة أمر عظيم قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc ici le cheikh dit donc que la question de tout ce qui a rapport avec les dépôts et les gages et quand je dis les gages c'est les dépôts, les choses qu'on t'a données pour le garder pour quelqu'un ou des choses comme ça, tout ça c'est des choses qui sont très très sérieuses, ok, et à la base les sahaba et les gens de au début de l'islam ils avaient cette notion de respect de leurs ententes, ils étaient des gens fiables et honnêtes. Puis après eux il y a des gens qui vont apparaître et qui vont pas respecter, qui vont trahir leurs paroles et leurs engagements et qui ne seront pas fiables. Donc ça fait partie des signes de l'heure du jugement. Et donc on voit que déjà maintenant ils prennent un dépôt comme si c'était un butin et ils s'en réjouissent, hein. Donc ils prennent les dépôts et puis ils l'utilisent et ils trahissent dans ces dépôts-là comme si lorsqu'on leur donnait un dépôt à garder ou qu'on leur donnait une entente à respecter, eh bien ils le prennent comme si c'était un butin qu'on leur offre et qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils veulent et ils l'utilisent selon leur passion et leur désir. Et donc la question des dépôts et des gages et de l'honnêteté, de la fiabilité et tout ça c'est quelque chose de très important et de très grand, et c'est quelque chose qui à la fin des temps va disparaître de plus en plus, et on le constate même aujourd'hui que l'honnêteté et la fiabilité malheureusement elle disparaît rapidement. On voit que ce sont des valeurs et des qualités qui sont rares. Ah oui, aujourd'hui c'est incroyable, et c'est tellement devenu flagrant comme tu dis, que lorsque des gens sont malhonnêtes ou lorsqu'ils ne respectent pas leurs engagements, plus personne n'est étonné, parce que c'est devenu quelque chose de normal. Les gens ne sont même plus scandalisés par ce genre de choses-là. Les gens maintenant qui volent des milliards de dollars, hein, et puis quand on découvre ça, ça fait des scandales, mais après quelques mois, même quelques semaines, on oublie ça comme si rien n'était. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il glorifie ça. Comme s'il glorifie dans le sens qu'il a réussi à le faire, comme si c'était un exploit. Et puis ça, on remarque ça même aussi dans les films que les koufars font. Ils font des fois même des films de voleurs, puis dans lequel on voit que le héros du film c'est le voleur, comme on a déjà vu ça, hein. Et puis c'est grave, parce que quand des gens regardent ces films-là, ils souhaitent même que le voleur réussisse son coup. Et puis il y a toujours des excuses ou des prétextes qu'on essaie d'expliquer logiquement, ou bien de donner des excuses au voleur pour le vol qu'il fait, vous débat de toute façon, il vole des voleurs, donc c'est pas grave, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Robin des Bois ou quoi, etc. Donc le verset que le cheikh a mentionné à la fin de ce paragraphe, c'est le verset 72 dans Sourate Al-Ahzab. Ça dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Nous avions proposé la responsabilité à la terre, aux montagnes, aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur. Ils en ont eu peur. Mais alors que l'être humain s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Hein? Ça c'est les caractéristiques fondamentales de l'être humain. Il est très injuste et très ignorant. Ça c'est dans la nature de l'être humain d'être comme ça, injuste et ignorant. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné il avait présenté ou offert aux cieux et à la terre la responsabilité. Salam alaikum Muhammad. Ça va, akhi? Masha'Allah, ça fait plaisir. Et eux, ils ont eu peur, ils ont pas supporté ça. Mais l'être humain, lui, à cause, tellement il est ignorant et injuste, il a accepté ça, cette responsabilité-là. Il pensait peut-être qu'il était capable. Et donc on voit que c'est une lourde charge, c'est pas facile. Et il y a des gens qui prennent ça à la légère. Hein? Quand on dit aux gens que la vie sur Terre c'est un test et une épreuve, il y en a qui prennent ça comme si c'était un jeu, comme si c'était quelque chose que tu répètes comme ça, comme si c'était juste une parole que les gens répètent comme ça sans aucune signification. Mais au contraire, c'est une vraie signification, c'est la vérité quand on dit que Allah nous a créé pour un test, c'est pas des blagues, c'est un vrai test, hein. Et c'est plus vrai que tous les autres tests que les êtres humains peuvent te faire passer dans ce monde, hein. Ah non, les tests, c'est vrai, c'est tout, chacun d'entre nous on a des tests, mais la plus grande façon de constater, d'être témoin de ça, c'est lorsque tu fais des efforts dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, plus tu vas faire des efforts, plus tu vas avancer, plus tu vas travailler pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas voir les épreuves devant tes yeux. C'est vraiment différent que si quelqu'un il travaille pas dans ce domaine-là. Et annonce la bonne nouvelle aux gens qui ont sabr, qui sont sabirines. Après, le cheikh il dit وقوله وينظرون ولا يوفون. C'est-à-dire, ils font un serment, par exemple, quand on dit an-nadhr, c'est de faire un vœu pieux ou bien de faire un serment de piété. Comme par exemple, tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, si tu me donnes, par exemple, la guérison pour une maladie, ou si tu me donnes le succès dans tel projet, je vais faire en reconnaissance, je vais faire 2 mois de jeûne. Ou bien je vais, par exemple, offrir $100 en sadaqa. Ou bien je vais lire le Coran au complet en 1 mois. Tu offres quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala en échange d'un vœu que tu veux accomplir, que tu veux que Allah accomplisse pour toi. Ça, oui, un bon vœu, un vœu pieux, pas un vœu de quelque chose qui est haram. Et ça, on appelle ça en arabe un nadr, ok, un nadr. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la langue un nadr? Ça veut dire le cheikh dit un nadr lughatan iltizam al-shay wa shar'an iltizam ta'atillahi lam iltizam ta'at iltizam ta'atillah lam takun wajibatan bi asli al-shar' فالتزام العبد طاعة الله لم تكن واجبة بأصل الشرع وإنما تجب عليه بالنذر فإذا التزم عبادة لله فإنها تجب عليه ويجب عليه الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه أن يطيع الله من نذر أن يطيع الله فليطيعه وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال تعالى وليوفوا نذورهم وقال صلى الله عليه وسلم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فالمسلم إذا نذر نذرا لله من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أي عبادة فإنه يجب عليه الوفاء به فإن لم يفي به كان عاصيا وتاركا لواجب يعاقب عليه وإن كان الدخول في النذر منهيا عنه لأنه يحرج نفسه ويورط نفسه وهو في عافية وفي سعة وإن شاء فعل وله الأجر وإن شاء ترك ولا إثم عليه ولكن إذا نذر فقد ألزم نفسه وأوجب على نفسه فضاق عليه الأمر إن ترك هذا النذر ولم يفي به كان عاصيا وآثما وكان قبل ذلك في سعة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل فقبل أن ينظر يكره له أن ينظر والمجال أمامه مفتوح للطاعات إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه. Donc le cheikh il explique dans ce chapitre, dans ce paragraphe pardon, il explique que un nazr c'est de s'imposer quelque chose et dans la religion ça veut dire de s'imposer une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas obligatoire selon les bases de la charia, mais c'est un individu qui se l'oblige à lui-même. Elle n'était pas obligatoire par la base de la charia, c'est lui-même qui se l'est rendu obligatoire par le fait qu'il a fait un serment ou un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque quelqu'un s'impose une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est obligatoire pour lui de remplir cette obligation-là et de respecter sa parole ou son serment et son vœu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat 7 de surat al-Insan, non, ça c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait un vœu qu'il allait obéir à Allah alors qu'il l'obéisse. Et dans surat al-Insan, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les vertueux, al-Abrar, en disant que ce sont ceux qui remplissent leur serment et leur vœu et qui craignent un jour dont le mal sera, yani, qui va s'étendra partout et va toucher tout le monde. Et aussi, dans le verset 29, dans Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » et qu'ils remplissent leurs vœux. Et le verset 270, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, en glorifiant les mu'minines qui respectent ce verset-là, dit, qui respectent ces caractéristiques-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « et toute chose que vous donnez en sadaqa ou nafaqa, hein, que vous donnez, ou bien tout vœu que vous faites également pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah le sait. Hein. Et le musulman, donc, lorsqu'il fait un vœu pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va donner une sadaqa, ou qu'il va faire une salat, ou qu'il va faire un jeûne, ou qu'il va faire le hajj, ou qu'il va faire une umrah, ou qu'il va faire une adoration quelconque, alors du moment qu'il a fait ce vœu-là, et qu'il a promis qu'il allait le faire, alors il doit respecter son engagement. Et s'il ne respecte pas son engagement, alors dans ce cas-là, il est pécheur. Il a abandonné quelque chose d'obligatoire pour lequel il sera puni pour l'avoir abandonné. Et le chef, il dit que à la base, de faire un vœu comme ça et de s'imposer une obligation de cette façon-là, c'est quelque chose qui est interdit. Hein? Et il s'est mis une difficulté sur lui-même. Hein, alors qu'il était dans l'aisance, il n'avait aucun problème, aucune imposition, hein, il n'était pas obligé de rien faire de ces obligations-là, mais après il se met l'obligation sur lui-même de le faire, donc il se met lui-même dans les difficultés. Et donc, s'il l'abandonne, hein, s'il ne remplit pas son vœu, là, il est dans le péché. Toutefois, auparavant, s'il, hein, comme le cheikh il dit, إن شاء ترك ولا إثم عليه وإن شاء فعل وله الأجر. Donc à la base, s'il voulait faire l'adoration, il la faisait cette adoration-là sans qu'il ait besoin de faire un vœu. Et s'il le fait, il sera récompensé. Comme si par exemple tu veux faire, supposons que tu veux faire un jeûne supplémentaire ou surérogatoire, tu peux le faire. Et si tu le fais, tu seras récompensé. Et si tu le fais pas, tu seras pas puni. Mais le fait que tu fasses ce vœu et que tu t'imposes sur toi-même cette obligation-là, alors là, à partir de ce moment-là, ça devient obligatoire pour toi, donc tu te rends la tâche plus difficile pour toi-même, tu te rends la vie plus difficile et tu rends les choix que tu as plus étroits, parce que du moment que tu as pris ce vœu-là et ce serment-là de faire cette obligation-là et de faire cette adoration-là, alors ça devient obligatoire de le respecter. Et si tu ne le fais pas, donc tu seras un pécheur et tu seras quelqu'un qui a désobéi à Allah, alors qu'auparavant tu étais dans l'aisance et tu n'avais pas cette contrainte sur toi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de rentrer dans ce genre de choses-là, comme de faire des vœux de cette façon. Il a dit que le vœu, ça n'amène rien de bien. Et c'est uniquement une façon pour faire sortir quelque chose de celui qui est avare. Parce que celui qui est avare, il ne veut pas faire de bonnes actions, il est avare dans les bonnes actions. Et donc, il est obligé d'utiliser ce moyen-là pour se forcer à faire des bonnes œuvres. Donc, le cheikh, il dit, avant de faire son serment ou son vœu, ou sa promesse de faire une action, eh bien, il était dans l'aisance, hein. Donc avant de le faire, c'est quelque chose qui est détestable de le faire. Mais du moment qu'il l'a fait, alors là, dans ce cas-là, il est obligé de le faire. Puis il dit, avant, il avait le choix de faire toutes les adorations qu'il voulait, sans aucune contrainte, et s'il le faisait, il avait la récompense, et s'il ne le faisait pas, il n'était pas puni. Donc le cheikh dit, voilà, qu'il n'y a pas nazara, waltazama, فإنه عاهد الله فيجب عليه الوفاء ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وبما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فالذي ينظر الطاعة ثم لا يفي بهذا عليكم السلام ورحمة الله فهذه صفته عليكم السلام ورحمة الله فهذه صفته عند الله ويعتبر كاذبا فيما بينه وبين الله نعم donc ici voici ce que le cheikh explique. Il dit, mais par contre, du moment que la personne s'est imposée à lui-même de faire un vœu et de remplir une obligation qui n'était pas à la base obligatoire pour lui, alors Allah, dans ce cas-là, c'est comme s'il a pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Lorsqu'il a fait un nadr, c'est comme s'il a pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 75 et 77 dans Surah Tawbah. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et parmi eux, il y en a qui avaient pris l'engagement envers Allah. Il y en a qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, ça c'est eux qui disent ça. Hein, ils disent, si Allah nous donne de sa grâce, nous paierons certes la zakat et nous serons du nombre des gens de bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend un engagement avec Allah et dit, si Allah nous donne du bien, de l'argent et tout, nous on va donner zakat, on va faire du bien, on va être parmi les gens qui sont pieux. Hein? Puis le chef, puis le verset dit, mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares, bakhilou bihi, et ils tournèrent le dos en faisant volte-face. C'est-à-dire, une fois qu'Allah leur a donné ce qu'ils avaient demandé, ils se sont tournés, ils sont devenus avares, ils n'ont pas voulu donner comme ils avaient promis qu'ils allaient le faire. Après Allah, il dit, dans le verset 77, il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur. Allah a suscité l'hypocrisie dans leur cœur à cause de ça. Et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Donc on voit que c'est grave, on voit que c'est sérieux quand quelqu'un prend un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il promet à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va faire quelque chose, et du moment que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il a demandé, il ne respecte pas cet engagement-là, alors là, ça c'est la punition qu'il risque d'avoir comme punition. Et ça c'est pour le fait de ne pas avoir respecté l'engagement et de ne pas avoir fait, de ne pas avoir rempli sa part de l'entente qu'il avait pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est sans parler de la personne qui fait des vœux pieux pour des hommes morts ou pour les tombes. Hein, et qui demande aux pieux et aux morts, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, de remplir des engagements, de leur donner quelque chose de la dunya ou des choses de ce genre. Hein? Donc ça, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui vont aux tombes, hein, dans les pays musulmans, ils vont dans les tombes où il y a des, soi-disant, des hommes pieux et des vertueux, et puis ils leur demandent, est-ce que vous pouvez nous donner, si vous nous donnez telle ou telle chose, on va venir l'année prochaine, ou on va venir dans quelques mois, puis on va sacrifier un mouton, ou on va, par exemple, donner une somme d'argent. Et ils ne demandent pas ça à Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent ça à un être humain qui est mort dans sa tombe. Donc ça, c'est très très grave. Parce que ça fait partie du shirk majeur. Hein? Après, le shirk, il dit ensuite, il dit, donc celui qui a fait un serment, il allait faire une obligation, une obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis qu'il ne respecte pas cet engagement-là, alors ça c'est sa description, comment Allah subhanahu wa ta'ala il le décrit dans le Coran. Et il est considéré comme étant quelqu'un de menteur dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est grave. Après le shaykh dit, فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إذا كان نذر طاعة وأن ترك الوفاء به من علامات النفاق وأن هذا يكثر في آخر الزمان أن الناس ينظرون ولا يوفون الشيخ الذي أخذي وما أكثر الآن من يسأل الناس أنا نذرت أصوم، أنا نذرت أتصدق، يريد التخلص من النذر ويبحث عن مخارج، وهذا مما يدل على وقوع هذه الصفة في آخر الزمان، إلا لو كان قوي الإيمان صادقا مع الله ما احتاج إلى أنه يبحث عن المخارج. donc le cheikh dit ensuite فهذا يدل donc ça fait que celui qui fait un vœu pieux et qui prend un engagement ou il fait une promesse d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit remplir cette promesse-là. Et s'il abandonne il ne respecte pas son engagement ou son œuvre, alors ça veut dire qu'il a un des signes parmi les signes de l'hypocrisie. Et ça, il y en aura beaucoup dans la fin des temps, des gens qui vont faire des vœux et qui ne vont pas respecter leurs paroles et leurs promesses. Ensuite, le cheikh il dit, qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de gens qui demandent des questions à ce sujet-là. Hein? Je me souviens même à la mosquée, il y a des gens qui m'appelaient souvent pour me poser des questions comme ça. Ah, j'ai fait un vœu, j'ai fait un tel vœu ou des choses comme ça, puis après j'ai pas respecté, qu'est-ce que je dois faire? Ils essaient de trouver un moyen de s'en débarrasser, mais ils peuvent pas. Hein? Ils disent, ah, j'ai fait un vœu que j'allais jeûner, ou j'ai fait un vœu que j'allais donner telle somme d'argent en sadaqa, et il n'arrive pas à s'en à payer ou à remettre cette dette qu'il a, et il cherche un moyen de s'en sortir. Et ça, ça montre que cette description-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée dans ce hadith, eh bien, elle est beaucoup plus présente dans les temps derniers. Hein, c'est ça ce qu'on constate maintenant. Mais si la personne avait une foi forte, eh bien, il n'aurait pas cherché un moyen de s'en débarrasser de cette façon, et il aurait rempli sa parole. Mais ça montre que cette caractéristique-là, à la fin des temps, elle est présente. Mais celui qui est fort dans sa foi, il ne cherche pas d'échappatoire, il remplit son obligation. Après le chef, il dit, ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا علامة هؤلاء ويظهر فيهم الثمن يظهر فيهم ثمن الأجسام وذلك لأنهم يرفهون أنفسهم ويشتغلون بملذاتهم وشهواتهم وينسون الآخرة وينسون الحساب فهم يستعجلون ملذاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن طاعة الله عز وجل فيصيرون كالبهائم التي تأكل وتثمن فإذا كان الثمن سببه هذا فهو مذموم أما إذا كان الثمن ليس من أجل هذا وإنما هو عرض عرض للإنسان مع قيامه بحق الله سبحانه وتعالى وأدائه لفرائض الله وعمله لآخرته فهذا ليس مذموما. Donc le cheikh il dit ici que une autre description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à leur sujet, c'est qu'il y allait avoir parmi les gens qui vont venir à la fin du temps des gens qui vont avoir qui vont prendre beaucoup de poids, ils vont être gras. Hein? Donc ça c'est des caractéristiques. Et ça c'est des choses qu'on constate justement actuellement, des gens qui prennent beaucoup de poids. Et le cheikh il dit que ça c'est un des signes, et c'est qu'ils vont prendre beaucoup de poids dans leur corps, et c'est parce qu'ils s'intéressent trop à leur plaisir et leur passion, et ils oublient l'au-delà et le jugement. Et ils se précipitent vers les plaisirs et les passions, et ils sont distraits par ces choses-là de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils deviennent donc comme des bêtes qui mangent et qui s'engraissent. Toutefois, le chef il dit que si ça c'est la cause de l'engraissement, alors dans ce cas-là c'est quelque chose de blâmable. Si c'est le fait que tu oublies l'akhira puis que tu te concentres juste sur les plaisirs de la dunya, comme les hédonistes, hein, les gens qui pensent juste au plaisir de leur ventre et juste à manger, hédonistes, ben ils vivent pour le plaisir en fait. C'est l'objectif de leur existence, c'est uniquement d'avoir du plaisir. Il y a des gens comme ça parmi les koufars, on dit même parmi, il y avait des peuples même dans le passé comme les Romains, ils faisaient ils aimaient manger, ils aimaient tout ce qui avait rapport avec les plaisirs, la nourriture, le manger, la boisson et tout. Ils mangeaient pour le plaisir seulement, puis quand ils étaient remplis leur ventre, ils se faisaient vomir pour remanger encore, hein, parce que ils mangeaient seulement pour le goût. Ouais. Donc ils avaient cette chose-là qu'ils faisaient. Ça, c'est déjà que pour eux, la seule chose qui compte dans l'existence, c'est d'avoir du plaisir. De toutes les façons, dans n'importe quelle façon qu'ils peuvent avoir du plaisir. Et donc, ça c'est leur passion et tout. Donc ça c'est un exemple, mais ça peut être aussi de d'autres façons aussi. Des gens qui mangent trop, qui pensent trop à la dunya et des choses comme ça. Après, le cheikh il dit, qu'à force d'abandonner l'obéissance d'Allah puis de se préoccuper seulement de leurs passions et de leurs désirs et de ce qu'ils aiment de la dunya, ils deviennent comme des bêtes et ils commencent à manger, à grossir, yani comme des bêtes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Et ceux qui ont mécru, ils se réjouissent et ils mangent comme mangent les bêtes, comme les bestiaux. Et là, leur conclusion, leur destination finale, ce sera le feu. Ensuite, le cheikh il dit, mais si c'est une cause naturelle, dans le sens que c'est pas la personne, c'est-à-dire, c'est des fois il y a des gens qui sont obèses, c'est pas parce qu'ils mangent trop ou quoi, mais c'est un problème hormonal ou un problème de génétique, de glandes ou des trucs comme ça. Ça, dans ce cas-là, c'est pas blâmable. La personne n'est pas blâmée puisque elle a pas à chercher à avoir cette situation-là puis à être gros comme ça. Mais c'est quelque chose que Allah a prédestiné, hein, et il est de cette façon-là parce que Allah l'a créé comme ça. Donc dans ce cas-là, il n'est pas blâmé, bien entendu, pour une chose pareille. Ah, Allah al-Musta'an. Mais ça, je ne sais pas le choukoum là-dessus. Comme tu dis là, les gens qui font du gavage en Mauritanie, là. C'est vrai, t'as pas dit la Mauritanie. Mais j'ai entendu parler de ça, hein. Ils font boire aux jeunes filles du lait de chameau, là, pour les faire grossir, hein, depuis qu'elles sont toutes petites, là, parce que c'est une qualité pour eux, là, pour certains d'entre eux, ils considèrent que la femme qui est bien importante, là, ça c'est une qualité, un signe de beauté, hein, chez elles. Donc, ils les font boire. Bon, maintenant, je sais pas le hukum shari à ce sujet-là. Est-ce que c'est permis ou non? Mais bien entendu, la darara ou la dirar, comme on dit. Donc, il faut bien entendu pas que ce soit quelque chose qui nuise ou qui soit mauvais pour la santé. Et pour l'ibada aussi. Non. Le problème, c'est qu'il les force à grossir. Au top modèle. Là, maintenant, il y a le contraire, c'est comment on appelle ça, les anorexiques, là? C'est celles qui veulent plus manger, rien du tout, parce que elles ont peur de prendre un kilo, alors, elles s'abstiennent de manger quoi que ce soit. Aussitôt qu'elles mangent quelque chose, elles se font vomir, hein, les boulimiques et des trucs comme ça. Donc ça peut être tellement dangereux que ça peut même amener à la mort. Hein, y a des gens qui, à force de pas manger ou bien de se faire vomir comme ça, ils deviennent tellement maigres, on dirait des squelettes à la fin. Et puis il y en a qui meurent comme ça par la suite. Bien sûr, donc c'est ça, même il y a un monsieur que je connaissais, un Palestinien, il m'a dit une fois, un jour, il m'a dit, ma fille est à l'hôpital, elle souffre d'anorexie, de trucs comme ça, et elle était vraiment malade. Puis ça, c'est un problème psychologique, regardez. Donc la fille, elle a un complexe, elle se voit toujours grosse alors qu'elle n'est pas grosse, hein. Donc c'est ça le malheur. Et ça vient souvent du fait que elle regarde les filles kuffar et la mode des kuffar, les magazines et les films et les actrices, les chanteuses et tout ça. Et puis elle essaie de les mannequins et elle veut leur ressembler. Au lieu de rester dans la création que Allah lui a donnée, comment Allah l'a créée. Et ça vient du shaytan, il n'y a pas de doute. Donc on va continuer. Il y a un autre hadith qui est rapporté aussi par l'imam muslim. وفيه يعني في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. C'est-à-dire, il y a aussi rapporté à ce sujet-là un hadith selon Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Puis après, il y a des gens qui vont arriver, leur témoignage précède leur serment, et leur serment précède leur témoignage. Et il dit également que Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakhai, un des tabi'in, il dit qu'il nous frappait quand on était petit, pour les témoignages et les engagements. Hein, quand c'était des serments, des engagements, on nous frappait quand on était petit, lorsqu'on faisait ce genre de choses. Donc le cheikh il dit, il explique maintenant cette parole-là d'Abdullah ibn Mas'ud dans le hadith. Il dit, عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني وفي الحديث الأول خير أمتي وهنا خير الناس وأن أي جميع الناس من الأمة وغيرها dans ce hadith Abdullah ibn Mas'ud dit la meilleure génération خير الناس les meilleurs non dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم dit les meilleurs hommes ou les meilleures personnes c'est ma génération. Et dans le premier hadith qu'on a lu tout à l'heure, ou bien au cours dernier, c'était les meilleurs de ma umma. Donc, ça, quand ici on dit khayrun nas, c'est-à-dire les meilleurs hommes, c'est-à-dire parmi tous les hommes, c'est eux les meilleurs. Et dans l'autre narration, ça veut dire parmi la umma. Donc, quand il dit parmi les hommes, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que tous les hommes. Et ils sont les meilleurs dans la umma et les meilleurs parmi tous les êtres humains. Et le cheikh il dit ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا فيه الجزم بما شك فيه عمران رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة قرون قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين. Donc ici il y a la confirmation de ce que Imran ibn Hussein avait douté, c'est-à-dire que ce sont trois siècles ou trois générations après la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle-même, donc en fait c'est trois générations en tout, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération des tabi'in et la génération des gens qui ont appris avec les tabi'in, donc c'est trois générations en tout, et donc c'est ça, ceux qui la suivent. Et après le cheikh il dit ثم يجي يعني بعد القرون الثلاثة قوم تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يعني لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالأيمان بل يسابقون إليها ويسارعون إليها بدون تحفظ وبدون خوف من الله سبحانه وتعالى ويحلفون ويشهدون بكثرة فهذا فيه ذمة كثرة الشهادة فيه ذم كثرة الشهادة وذم كثرة اليمين فيكون مطابقا للترجمة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فيكون الشيخ الذي سيكون مطابقا للترجمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه ما ساق الذم فقال النهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وكثرة الحلف لأن ذلك استخفافا بهما فيكون منقصا للتوحيد الشيخ سيلزي ك Après les trois premiers siècles, il y aura des gens qui vont venir, dans ce hadith-là, c'est mentionné qu'après les trois premiers siècles, il y aura des gens qui vont apparaître, qui vont venir, et ceux-là, on va voir que leur serment précède leur témoignage, leur témoignage précède leur serment. Le cheikh explique ça en disant que, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt pour les témoignages, ils ne donnent aux témoignages qu'ils font aucune importance et ils se dépêchent de le faire sans aucune retenue et ils n'ont aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils jurent et ils témoignent beaucoup. Et ça c'est pour blâmer le fait de témoigner beaucoup et c'est le fait aussi de faire beaucoup de serments, c'est quelque chose qui est blâmable. Donc, c'est en accord avec le titre de ce chapitre, ok, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ou a interdit de faire trop de serments et de témoigner beaucoup de cette façon-là. Parce que lorsque tu témoignes trop comme ça, ça veut dire que tu donnes pas d'importance au témoignage et tu négliges le témoignage. Ensuite le cheikh dit wa qawluhu qala ibrahim al murad bihi ibrahim an nakhai al tabi'i al tabi'i al jalil min talamiz ou min talamiz abdullah ibn mas'ud ibrahim an nakhai ibrahim an nakhai c'est un des tabi'in et il dit lui-même c'est un des tabi'in, un des grands tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, il a étudié avec les sahaba et il est parmi les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud, il est parmi les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit quand on était petit, les salafs, ils avaient les salafs qu'on a rencontrés, les sahaba qu'on a rencontrés quand on était petit, quand on faisait des serments ou quand on prenait un engagement, ils nous battaient pour ça. Ça veut dire pour nous montrer, pour leur montrer l'importance de prendre des serments et de prendre des engagements, pour leur montrer, je vais répéter, écoute bien, pour montrer, pour leur faire comprendre à ces enfants-là l'importance et le danger et le sérieux de faire quand tu jures, ou quand tu prends une entente ou un engagement, ou quand tu donnes un serment, pour montrer à ces enfants-là que c'était quelque chose de grave et de sérieux et d'important, ils les frappaient à ce sujet-là. Et le cheikh dit وقيل انه يراد اصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف كانوا يضربون الاطفال اذا سمعوهم يشهدون او يحلفون تاديبا لهم ليربوهم على تعظيم الشهاده وتعظيم اليمين حتى ينشأوا على ذلك لان الطفل ينشأ على ما عود عليه فاذا عود الالتزام والطاعه فانه ينشأ على ذلك ويشب عليه من شب على شيء شاب عليه كما قال الشاعر كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أباه أبوه على ما كان عوده أبوه فالتربية لها شأن عظيم أو كبير ولها أثر بليغ لا سيما في صغر السن فإنك إذا نهيته عن الشيء أو أمرته بشيء نغرس هذا في ذكرته ولا ينساه أبدا وإذا صحب هذا تأديب فإنه يكون أبلغ. Donc le cheikh explique ici que donc comme on disait Ibrahim al-Nakhai il était quand il était petit par qui il s'est fait éduquer par les sahaba. Donc il a reçu son éducation de l'islam par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui l'ont éduqué, ce sont eux qui l'ont élevé. Donc il a reçu une bonne éducation puisque c'est l'éducation des sahaba. Et c'est en particulier ceux parmi les sahaba qu'il a rencontrés comme, étant donné qu'il était parmi les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud, donc en particulier de Abdullah ibn Mas'ud. Et également d'autres parmi les salafs qui les ont enseignés. Qui l'ont enseigné. Il dit, on nous frappait, on était frappés, les enfants étaient frappés à cette époque-là, lorsqu'on entendait qu'ils faisaient des serments, lorsqu'ils juraient. Comme par exemple, lorsque l'un d'entre eux disait, je te jure, par Allah, ou bien, Uqsimu Billah, ou bien Wallahi, on les frappait pour pas qu'ils mentent, ou pour pas qu'ils prennent l'habitude de mentir, parce que c'est quelque chose de laid et de grave. De mentir, et le cheikh il donne l'exemple que pourquoi il les frappait et pourquoi il les battait à ce moment-là, c'est pour les éduquer et pour qu'ils comprennent l'importance de donner un témoignage et l'importance de donner un respect au serment qu'ils donnent. Donc, lorsque quelqu'un est éduqué de cette façon-là et que depuis qu'il est tout petit, on lui apprend et on lui donne l'habitude d'être respectueux de ses engagements et de respecter sa parole et son serment, alors quand il va vieillir, il va rester comme ça toute sa vie, parce que ça va faire partie de son tempérament, de son éducation. Et il donne un exemple, il dit que il y a une parole que les gens disent en arabe, c'est « man shabba ala shay'in shaba alayhi ». Puis il y a comme un jeu de mots là-dedans en arabe, parce que « shabba » c'est quand tu es jeune, comme « shabab ». Et « shayb » c'est quand tu es vieux, quand tu as les cheveux blancs. Donc il dit « man shabba ala shay shaba alayhi ». C'est-à-dire, quand tu es grandi, quand tu étais tout petit, on t'a, quand tu étais jeune, on t'a éduqué sur quelque chose, tu étais sur quelque chose quand tu étais jeune, tu vas rester comme ça, quand tu vas être vieux, tu vas être comme ça aussi. C'est les habitudes que tu as prises lorsque tu étais petit, elles vont rester, et quand tu vas être vieux, tu vas continuer selon les habitudes que tu avais prises lorsque tu étais enfant ou lorsque tu étais jeune. Hein? Et ça, on le constate tous en nous-mêmes, quand on commence à vieillir, on se rappelle de notre enfance et on dit « oui, mes parents, ils me disaient par exemple, fais ça, ou fais attention », puis plus tard, on remarque que ces choses-là reviennent en nous naturellement, sans même qu'on s'en aperçoive parfois, mais ça vient de notre éducation de nos parents. Des fois, par exemple, on remarque que certains enfants, ils sont polis, hein, parce que leurs parents leur ont dit, par exemple, il faut que tu sois poli avec les gens, quand tu parles avec les gens, il faut avoir du respect, il faut pas mentir, il faut pas ci, il faut pas ça. Ces qualités-là, quand elles sont inculquées à l'enfant depuis qu'il est tout petit, il grandit là-dessus, et quand il devient plus grand, plus vieux, il sait la valeur de la franchise, il sait la valeur du respect, il sait la valeur des engagements et de donner sa parole à quelqu'un. Et il va apprendre à respecter sa parole par la suite. Ok? Et donc, ça c'est très important. Et il mentionne aussi un poème, un vers dans une poésie qui dit que les enfants, quand ils vieillissent, ils vont être comme son père l'a éduqué, comment il a pris l'habitude, qu'est-ce que son père lui a montré, c'est ça qu'il va faire par la suite. Et donc, c'est pour ça que souvent, on dit que quand on voit des enfants, par exemple, qui sont pas bien éduqués, qui agissent mal, ou qui parlent mal, ou qui sont impolis, on dit, celui-là, il est mal élevé. C'est-à-dire, ses parents ne l'ont pas bien éduqué, ne l'ont pas bien élevé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es un représentant de tes parents. Quand tu sors dans la rue, par exemple, et que tu agis avec les gens dehors, tu es en train de dire « je suis le représentant de mon père, je suis le représentant de ma mère ». La façon dont j'agis avec vous, si j'agis mal, ça veut dire « mes parents m'ont mal éduqué, m'ont mal élevé, je suis pas poli, je manque de respect ». J'insulte les gens, je dis des mauvais mots, je suis vulgaire ou des choses comme ça, je suis indiscipliné. Si tu agis de cette façon-là, ça veut dire que tu représentes mal tes parents. En fait, tu fais la honte à tes parents. Tu es en train d'insulter ou de rabaisser tes parents en faisant ça. Tu n'as pas honoré tes parents. Tu les as rabaissés. Donc c'est très important lorsque tu sors devant les gens, lorsque tu agis avec les gens, lorsque tu es un enfant, tu donnes un bon exemple et tu agis avec respect et politesse pour que les gens puissent savoir que pour que les gens puissent savoir que tes parents t'ont bien éduqué. Et ensuite, le cheikh il dit que l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est très important, et lorsque on éduque un enfant, ça a un effet très très fort sur lui, en particulier lorsqu'il est tout petit. Parce que lorsque un enfant est petit et tu lui interdis quelque chose, ou bien tu lui ordonnes de faire quelque chose, ça va rester en lui. Ça va rester en lui, ça va faire partie de lui. C'est comme si on dit souvent que lorsque tu éduques un enfant, c'est comme si tu gravais quelque chose sur une pierre, ça reste. Hein? Parce que quand tu es un enfant, disons, c'est comme quand tu achètes quelque chose, une cassette, elle est vierge, il n'y a rien dessus. Hein? Tout ce que tu mets dessus, c'est ce qui va rester. Hein? Donc, il ne va jamais l'oublier. Et si par la suite, en plus, tu le corriges hein, pour quelque chose qu'il fait de pas correct, ça va encore plus rester en lui. Parce qu'il ne va jamais oublier cette correction-là qu'il a prise pour avoir désobéi. Une des choses que tu lui demandais de faire. Après le cheikh dit wafi fa hada fihi al inayatu bin nashi'ati wa tarbiyatihim wa ta'dibihim. Wa fihi aydan anna ad-darb wasilatun min wasa'il at-tarbiyah wa anna as-salaf kanu yasta'milunahu bal inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam amara bid-darb fa qala muru awladakum bis-salati bisab'in wadribuhum alayhi li'ashrin wa bal جل بل قال جل وعلا بل الله سبحانه وتعالى أمر بالضرب أيضا للتأديب في حق الزوجات واللاتي تخافون نشوزهن. نعم. أوكي. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع يضربوهن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله. فالضرب وسيلة من وسائل التربية، فللمعلم أن يضرب، وللمؤدب أن يضرب، ولولي الأمر أن يضرب تأديبا وتعزيرا، وللزوج أن يضرب زوجته على النشوز. فالدين فالذين ينكرون الضرب ويمنعون منه يقولون إنه وسيلة فاشلة، وهؤلاء متأثرون بالغرب وبتربية الغرب، وهم ينقلون إلينا ما تحملوه عن هؤلاء، لأنهم تعلموا على أيديهم. أما ما جاء عن الله وعن رسوله وعن صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح فهو أن الضرب وسيلة ناجحة، ولكن يكون بحدود، لا يكون ضربا مبرحا يشق الجلد أو يكسر العظم، وإنما يكون بقدر الحاجة. دونك الله المستعان. Allah al-musta'an wa alayhi tuklan. Ok, donc, comme les frères ont dit, on va traduire ça avec sagesse, Inch'Allah. Ok, donc, le cheikh il dit, dans ce hadith, ou dans cette parole d'Ibrahim al-Nakhai, il y a le fait qu'il faut faire attention, ou bien donner une grande importance à l'éducation qu'on donne des enfants, et de leur donner comment je pourrais dire, de bien les éduquer, de bien les corriger si c'est nécessaire. En fait, le chef ici, il explique que le fait de battre un enfant ou de frapper, disons, de punir ou de corriger un enfant lorsque c'est nécessaire, ça c'est un moyen parmi les moyens de l'éducation des enfants. Parce que les salafs, ils l'utilisaient. Quand on parle des salafs, on parle des sahaba et des tabi'in, les premiers musulmans. Hein, ils utilisaient cette méthode-là et ça faisait partie de leur méthode d'éducation. Et également, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la salat à l'âge de 7 ans. À partir de l'âge de 7 ans, vous pouvez leur demander de le faire. Mais à partir de 10 ans, s'ils refusent de la faire, frappez-les. Et après, il dit que également, même que Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, a ordonné de frapper par rapport aux épouses, lorsqu'elles sont, par exemple, désobéissantes, il a ordonné de les corriger lorsque c'était nécessaire. Et il mentionne le verset 34 dans sourate An-Nisa, le verset 34 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et les épouses dont vous craignez la désobéissance, alors exhortez-les et écartez-vous d'elles dans leur lit. Et frappez-les. Ça, c'est les étapes hein, par rapport à la désobéissance de l'épouse. Si la femme est désobéissante, premièrement, c'est l'exhortation. Hein, tu leur parles, tu leur dis, écoute, ça, c'est pas correct. Tu sais, tu dois respecter tes droits, tu dois respecter tes obligations, ainsi de suite. Tu sais, bon, tu lui expliques, tu lui parles. Si c'est réglé, donc, alhamdoulilah, pas de problème par la suite. Si, par contre, la désobéissance continue, alors là, dans ce cas-là, c'est al-hajr. Dans le lit, c'est-à-dire tu vas t'écarter d'elle, tu vas cesser par exemple de t'occuper d'elle, par exemple quand tu dors, tu dors de ton côté, tu vas plus t'occuper d'elle, et ça va faire que la femme va se sentir peut-être mal d'avoir agi ou désobéi, elle va dire ah c'est vrai, peut-être j'aurais pas dû faire ça, peut-être j'aurais dû plus être plus obéissantes et dociles envers mon mari, hein, puisque après tout c'est mon mari. Puis, si par la suite ça continue les désobéissances et les problèmes, alors de les frapper. Le verset dit « Wadribuhun ». Et bien entendu, ça comme le cheikh il explique plus loin, c'est pas de les frapper dans le sens de les battre comme on dit, comme un boxeur il se bat avec un autre boxeur, là on va faire un combat de boxe. Non, non, battre dans ce sens, dans le sens de donner une correction. Hein? Et c'est pas dans le sens de battre. Donc c'est, il dit, de frapper d'une façon qui ne blesse pas et qui ne laisse aucune marque, qui ne blesse pas la peau et qui ne casse aucun os, et ainsi de suite. Donc ça c'est l'explication qui a été donnée à ce sujet-là pour dire que on ne doit pas frapper fort, puis en même temps on ne doit pas prendre une habitude de faire ça non plus. Hein? Comme il y a des hommes sauvages qui frappent leurs femmes comme si c'était des boxeurs et puis qui leur cassent le visage ou bien qui leur cassent des os puis qui leur fait des blessures, des marques sur le corps, ça c'est haram. Ça c'est haram. Et frapper quelqu'un dans le visage, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un animal, ça c'est haram. De frapper quiconque dans le visage, c'est haram dans l'islam. D'accord? Que ce soit un animal, que ce soit un adulte, une femme ou un homme ou un être humain, un animal, on n'a pas le droit de frapper dans le visage du tout. Hein, c'est haram, hein, c'est sacré le visage. On n'a pas le droit d'y toucher. Donc ça c'est quelque chose de à se rappeler. Ah, mais ça c'est autre chose. Allah musta'an. Donc ça c'est à propos de ça. Et le chef il dit que il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle des, dans les questions, par exemple, lorsque c'est une question de frapper ou de punir, dans les punitions et les corrections qu'on donne, on n'a pas le droit de dépasser 10 coups. On n'a pas le droit de dépasser 10 coups, excepté si c'est une punition parmi les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la charia. Comme par exemple, dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait le zina, quelqu'un qui fait la fornication dans un pays musulman, et qu'on l'attrape, il y a des témoins et tout, il sera amené devant le juge, puis là le juge va déterminer par la suite la punition qu'il doit recevoir par rapport aux règles de la religion musulmane. Puis la punition pour la fornication, celui qui a des rapports sexuels avec une femme mais qui n'est pas marié, c'est-à-dire comme par exemple il y a des gens qui sont mariés puis qui vont voir d'autres femmes avec lesquelles ils ne sont pas mariés pour avoir des rapports sexuels avec elle, ça c'est ce qu'on appelle l'adultère, c'est zina. Mais des fois quelqu'un il n'est pas encore marié, puis il va voir une femme pour avoir des rapports sexuels avec elle, ça c'est ce qu'on appelle la fornication, parce qu'il n'est pas encore marié. Et ça, l'adultère c'est plus grave que la fornication, parce que quelqu'un qui est marié, il a déjà un moyen de satisfaire et d'assouvir ses désirs, si il veut, il peut aller voir sa femme. Donc il n'a pas d'excuse d'aller voir une autre. Et donc pour lui, la peine, c'est la peine de mort, il sera lapidé, hein, et on va lui lancer des pierres jusqu'à ce qu'il meure dans la loi islamique. Tandis que celui qui n'est pas marié, mais qui va remplir ses désirs avec une femme, en dehors du mariage, celui-là, la punition pour lui, ce sera 100 coups de fouet. Il aura 100 coups de fouet et il sera exilé pendant un an de sa ville ou de l'endroit d'où il vit. Ah, ça c'est autre chose. Si quelqu'un qui n'est pas musulman, qui vit dans un pays musulman et qui fait ces choses-là, dans ce cas-là, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils seront punis de la même façon, même s'ils ne sont pas musulmans, tant qu'ils vivent dans le pays musulman. Hein? Et ça c'est dans les pays musulmans qui appliquent la loi islamique. Et ça c'est, comme on dit, c'est il faut qu'il y ait des témoins qui les aient vus en train de commettre l'acte. Hein? Il faut qu'il y ait minimum 4 témoins. S'il y a 3 témoins, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait 4 témoins qui les ont vus. Et il faut qu'ils aient vu l'acte explicitement et clairement. Il ne faut pas qu'ils aient des doutes. Si tu vois 2 personnes, un homme et une femme, qui sont nus dans une pièce, tu ne peux pas dire qu'ils ont fait l'adultère ou qu'ils ont fait le zina. Il faut que tu les aies vus en train de le faire et que tu aies vu l'organe entrer dans l'organe. Que tu l'aies vu avec tes yeux, pas que tu penses ou que tu imagines. Il faut que tu sois certain, d'accord? Donc, c'est pas juste tu vois un homme qui est allongé à côté d'une femme, et puis tu les vois ensemble nus. Ça, même si tu les vois nus comme ça dans une pièce, c'est pas une preuve que tu les as vus faire le zina. Il faut que tu les aies vus en train de faire l'acte. Donc ça c'est, bien entendu, il y a des détails, il y a des règles, il y a des conditions à respecter pour que ces choses-là soient applicables. Et il faut que ce soit dans un pays musulman, et il faut que ce soit qu'il y ait des témoins. Puis c'est pas n'importe comment et n'importe où et n'importe quand qu'on applique ces règles-là. Mais c'est des lois que Dieu a révélées. C'est pas nous qui avons décidé ces lois-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, qui les a révélés comme ça. Et ça, c'est pour le bien, et pour préserver la société de la perversité, puis de la corruption, puis du mal, pour pas que ces choses-là se répandent dans le monde, et pour pas détruire les familles, pour garder l'honneur des hommes. Hein? C'est pas comme ici, par exemple, où on dit, par exemple, tant que deux adultes sont consentants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein? Puis c'est Dieu qui va les juger au jugement dernier. Non seulement il y a une punition pour ça au jugement dernier, mais il y a une punition dans cette vie pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Ok? Donc, le cheikh ici, il dit que ça c'est des punitions qui ont été établies. Et le fait de donner une correction et de frapper les enfants ou de frapper l'épouse lorsqu'elle est désobéissante, ça, c'est des moyens d'éducation qui ont été ordonnés ou enseignés et appliqués à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Et même les gens ici, vous les voyez en train de parler des nouvelles lois qu'ils ont inventées, qu'il ne faut pas frapper les enfants, il ne faut pas frapper, et ainsi de suite. Ces gens-là, eux-mêmes, maintenant, ils sont même plus capables d'avoir du respect dans les écoles. C'est rendu maintenant que les enfants, ils sont insolents, impolis, désobéissants, hein, et ils ne respectent plus les professeurs, et même il y a des professeurs maintenant, ils ont peur de leurs élèves, hein, ils ont peur de leurs élèves. Il y a toutes sortes de tueries qui se passent maintenant dans les écoles aux États-Unis, puis même ici, même au Canada, il y en a eu des choses comme ça. Donc c'est pour dire que ça montre qu'il n'y a plus de discipline à l'école, et des décrochages de professeurs. Avant, on entendait les décrochages des élèves. Maintenant, c'est les décrochages des professeurs. Avant, ici, par exemple, moi, je sais parce que ma mère m'a raconté ça lorsqu'elle était plus petite. Elle allait à l'école ici. Et puis, les professeurs, c'était des prêtres. Et pour les filles, c'était des femmes religieuses, des sœurs. Et c'était elles qui donnaient l'enseignement aux enfants. Et quand les enfants n'étaient pas obéissants, ou quand ils étaient impolis ou insolents, on les punissait, hein. Soit on leur donnait des coups de règle sur les mains, ou des choses comme ça. Et ça, c'était pour faire qu'il y ait une discipline, et qu'il y ait un respect. Aujourd'hui, les enfants, ils n'ont plus peur, parce qu'ils savent que, soi-disant, ils sont protégés, on ne peut plus les punir, ou soit. Et on remarque même que, parfois, les enfants, ils savent tellement ça, ils savent tellement que leurs parents ne peuvent rien leur faire, qu'ils en profitent, et ils en abusent même. On le sent même à un âge très très jeune, et les enfants, du moment qu'ils ont compris ça, ils commencent à jouer avec ça. Hein. Et quand ils sont en public, par exemple, ils vont en profiter pour faire une scène, pour faire des crises, ou pour crier, justement, parce qu'ils vont dire, mes parents ne vont pas me punir parce que ils sont en public et ils auront peur du jugement des autres, et donc ils vont être obligés de nous obéir et de faire ce qu'on veut. Et donc les enfants deviennent les maîtres de leurs parents par la suite. Et alors que, moi j'ai entendu plein d'histoires, surtout par rapport à qu'est-ce qui se passe en Haïti, c'était pas du tout comme ça. Hein. Au contraire, même les gens par exemple, on disait si un enfant il est impoli à l'école et qu'il se fait battre par son professeur, il se fait battre sur la route. Quand il rentre à la maison, par les gens, et en plus quand il rentre chez lui, quand il dit à ses parents j'ai été battu par le professeur, tout de suite il a une correction à la maison aussi, parce qu'il sait qu'il a été impoli, hein, et c'est pour ça qu'il a été puni. Si son père, le parent, il sait que le professeur il l'aurait pas puni, sauf que c'est parce qu'il le méritait. Tandis qu'aujourd'hui c'est le contraire, même parfois. Si le professeur corrige ou punit l'élève, les parents ils vont à l'école pour aller battre le professeur ou bien crier sur le professeur, pourquoi t'as touché à mon enfant, pourquoi t'as fait ça. Hein? Non, ici, ouais, ici, en Haïti, non, c'est plus comme ça. subhanallah. Donc ça c'est des exemples de situations actuellement. Tout ça c'est basé sur leur soi-disant théorie ou hypothèse ou idée que le fait de frapper c'est quelque chose de mauvais. Et ils disent que d'utiliser la force ou la contrainte contre un être humain c'est interdit. Et ils disent qu'il y a l'égalité de l'homme, donc les droits de l'enfant, soi-disant, c'est les mêmes que les droits des adultes. Donc, le père est égal à son fils, le fils est égal à son père. Et donc, ça veut dire que t'as pas le droit de lui imposer quoi que ce soit ou de lui dire quoi que ce soit, mais ça c'est ridicule, hein, en réalité. Exactement. Oui, c'est ça qu'ils font maintenant. C'est du chantage, comme tu dis. Si t'écoutes pas, je vais pas te donner ça. Si tu fais ça, je vais te donner ça. C'est par récompense et donc c'est ça qui s'est rendu comme ça. Une fois même, j'étais sur un site internet et puis il donnait des conseils comment lorsque ton enfant fait une grosse crise là dans un magasin ou quoi, comment faire pour le calmer. Et si vous auriez vu ça, comment ils expliquaient comment faire. Vraiment, ça fait pitié, hein. On a pitié pour ces parents-là qui sont comme ça, hein. Et nous, on regarde ça, même avec notre éducation, comment on a été éduqué, par exemple. Bon, moi, j'ai pas nécessairement été, éduqué de cette façon-là directement, parce que j'ai grandi ici. Toutefois, c'est arrivé, ma mère m'a corrigé parfois, quelquefois. Mais je sais que la mentalité des gens ici, c'est très, très, ouais, c'est comme, tu laisses les enfants faire tout ce qu'ils veulent et puis c'est fini. Hein. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça justement. Donc, le cheikh il dit, donc ceux qui nient, que ceux qui critiquent par exemple le fait de frapper, par exemple, ils disent qu'il faut pas frapper et ainsi de suite, ils disent que ça c'est des moyens qui ont échoué. Ça marche pas. Ils disent que ça, c'est des moyens qui échouent ou qui amènent pas du bien. Parce qu'il y en a qui disent que quand tu vas frapper les enfants, ça ne sert à rien, ça va rien amener. Les enfants, ils vont pas être plus obéissants et tout. Souvent, ça, c'est parce qu'il y a des parents, malheureusement, c'est vrai, ils vont corriger leurs enfants, ils vont les frapper. Et ils vont être comme des gens très durs avec leurs enfants. Sauf qu'ils n'ont aucune... comme on dit, aucune pédagogie. Ils savent pas comment leur parler, expliquer. Donc c'est bien beau de les frapper quand ils font quelque chose de mal, pour les corriger, mais en même temps il faut leur expliquer pourquoi tu les corriges, et leur expliquer l'erreur qu'ils ont fait, et leur montrer l'erreur pour qu'ils se corrigent, et en même temps que leur conscience travaille. C'est pas juste de, tu dis bon, je les frappe quand ils sont pas obéissants, puis à chaque coup tu commences à les frapper comme si c'était des bêtes, non. Hein, il faut, bien entendu, utiliser la pédagogie, puis aussi le bon sens. Par exemple, ils ont fait quelque chose d'incorrect, là tu leur dis, écoutez, voici, je vous avais demandé de faire ça, vous l'avez pas fait, ou bien vous ne deviez pas faire telle chose, et là vous l'avez fait. Maintenant, à cause de ça, vous allez avoir telle punition pour ça, hein. Et puis tu leur expliques, tu leur dis c'est pas pour le mal que je te fais ça, c'est pas parce que je t'aime pas ou je te déteste, mais c'est pour te faire comprendre la différence entre l'obéissance et la désobéissance, le bien et le mal, puis que tu prennes une leçon de ça, hein. Parce que quand tes parents ils te punissent ou quand tes parents ils te disputent ou quoi, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le bien pour toi, c'est le contraire, c'est parce qu'ils veulent le bien. Il y a aussi des parents qui transgressent et qui exagèrent dans cette branche-là et qui frappent pour n'importe quelle raison, parce qu'ils sont pas de bonne humeur ou parce qu'ils sont fâchés, ils commencent à frapper, à insulter, à dire des mauvais mots et tout, et ça c'est incorrect. Hein. Ça c'est l'exagération dans ça, puis c'est pas correct non plus. Ça peut avoir des effets négatifs à la fin, plus négatifs même. Donc il faut savoir être dans la balance et dans la justice, et juste au milieu, exactement. Donc le chef il dit que ceux qui critiquent de façon absolue la question de la discipline puis de punir les enfants, ceux-là, le chef il dit, c'est des gens qui sont influencés par l'Occident et par l'éducation occidentale. Et ils sont venus nous ramener ça ici, parce que c'est ça qu'ils ont appris chez les Occidentaux, d'accord. Mais il dit, nous, on prend ce qui nous est venu d'Allah, de son messager et de nos salafs salih, et on croit que de corriger, de frapper un enfant ou yani ceux qui le méritent d'être frappés ou d'être punis, alors dans ce cas-là, c'est un moyen qui est effectif et qui marche et qui est bon, dans les limites bien entendu, de ce qui est permis et sans dépasser les limites. Comme ici par exemple, on dit que de donner une fessée, alors ça c'est acceptable, hein, mais si tu commences à transgresser et dépasser la limite, comme certains par exemple vont prendre un ceinturon ou bien un bâton, puis commencer à frapper fort les enfants et tout, ça fait des marques ou ça blesse les enfants, ça c'est interdit, hein. Ils peuvent même t'enlever tes enfants, hein. Donc il faut faire attention justement de pas dépasser ces limites-là, parce que sinon ça retourne contre toi par la suite. Ces koufars, ils t'enlèvent tes enfants, puis ils vont les élever dans le coffre, dans l'égarement par la suite. Et là, tu risques de tout perdre, hein. Et non seulement l'éducation, le bien que tu voulais leur montrer, mais également de perdre même leur foi, yani, parce qu'ils vont grandir dans des familles qui sont des familles de koufars, yani, et ils vont pas avoir l'éducation du tout, hein, de l'islam. Donc ça c'est très dangereux, il faut faire attention à ça. D'autres genres de blessures, les max sur le corps, mais c'est sûr que aussi ça peut avoir des séquelles psychologiques aussi. Si l'enfant est blessé, est battu d'une façon sauvage, là, hein, qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde dans la maison, et que les... Ouais, exactement, il faut l'éducation qui vient avec, c'est pas juste le but de frapper, on n'est pas des animaux, là. On est en train d'éduquer des êtres humains, pas des bêtes. Ah, mais oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais ici, même au Québec, ici, il n'y avait pas de DPJ, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Tout ça, ça fait pas plus que 60 ans, là, que ça existe, même de 50 ans, 60 ans, que c'est arrivé au Québec. Les gens maintenant, ils ont tellement oublié vite leur passé, que c'est comme si on dirait qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe ailleurs, ils ont l'impression que ils ont oublié leur propre histoire. Hein? Alors que moi, mes parents, moi, ma mère, elle me disait, mon père, il me battait avec le bâton. Hein? Et puis ça fait pas longtemps, là. Hein? Donc c'était tout à fait normal, c'était tout à fait accepté. Mais il y a eu peut-être des dépassements, des exagérations, et là aujourd'hui ils sont allés dans l'autre extrême. Parce que les koufars, c'est toujours comme ça, ils passent d'un extrême, puis ils sont à l'autre extrême. Ils sont pas capables de trouver le juste milieu. Et donc c'est ça le problème. Donc nous on va arrêter ici pour aujourd'hui, parce qu'on a déjà fait 1h30, 1h40, 1h. Donc pour laisser pour demain, Inch'Allah. Hein. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك